Ah, j'ai fait un peu le ménage, c'est le bordel. Surtout que j'ai passé une soirée de dépravé hier. Oh, j'en ai encore le short qui colle. J'étais avec Vaïd Aleodzic, l'entraîneur du PSG, et on a fêté la victoire de dimanche contre Marseille. Vaïd avait réservé le coin lavage de voiture d'une station-service sur le périph. Il y avait une quinzaine d'hôtesses bosniaques pour servir de défouloir. Le président du Paris Saint-Germain, Francis Gray, était là, et quelques amis de Vaïd, vétérans du conflit serbo-croate. Un groupe est venu jouer de la musique, les snipers de rien, ils jouent de la Kalachnikov et de la Gégène. Et avec brio, les gars! Vaïd m'a fait découvrir la boisson de son pays en temps de guerre, l'alcool de mazout. Les deux premiers litres sont difficiles à gérer, mais après, ça va super bien. Alors au bout de 13 litres, je me sentais chaud comme un cul de loutre quand j'aperçois la dame pipi de la station-service qui s'apprête à fermer pour rentrer chez elle. Je cours vers elle. Après m'être cassé la gueule 5 fois sur 20 mètres, j'arrive enfin à sa hauteur et je lui dis, toujours de façon très digne et gentleman, « Hey, tu vas où, Maurice ?»« Chez toi ?»« Mais pourquoi faire ?»« Tu vas retrouver ton mari ?» Je te signale qu'il est déjà minuit passé, il va être couché, ton marsouin. Allez, reste avec nous, on va bien se marrer, tu vas voir. Comment ça, je suis bourré, je te dégoûte. Ben, tu vas me parler autrement, fion de poule. Et puis, Christophe, je sais, c'est pas joli, joli. Pas très fair play, c'est même pas très choli, choli. Mais j'ai approché ma bouche de babouin sodomite, près de son oreille d'auvergnate pétomane, et j'ai chanté. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon snake. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la crête. Évidemment, elle a craqué. Elle a arraché sa salopette de pompiste. Elle a badigeonné son corps de pouliche kazakh avec de l'huile de vidange usagée. Et elle hurlait dans ma direction. Vas-y, grand labrador lubrique. Humilie-moi comme un beignet de pommes de terre au poil. Et viens chercher ma babale vieux clébard de Düsseldorf. Wouhou. Pendant 12 heures, on a fait la main sur des pneus crevés. Et puis je l'ai pris dans mes bras et je lui ai dit « Allez, casse-toi, tu pues le diesel !» Je suis retourné festoyer avec Vaïd et ses amis. Je suis arrivé juste à temps pour le clou de la soirée. La séance de torture du supporter marseillais que Vaïd avait rapporté du stade Vélodrome. Ça donnait ça à peu près. « Allez, fils de pute, Helmut-toi dépêcher ton cul, c'est l'heure de la récréation. » Ah, t'as raison. Alors, Casanis, ça roule ? Allez vous faire foutre, vive le REM! Toi bientôt crevé, fils de pute! Oh, doucement, Vaïd, c'est tout de même un être humain! Je vous emmerde tous, toi aussi le moche! Après tout, c'est qu'un supporter marseillais, hein! Si on le bute, on risque juste des problèmes avec la SPA! On va y mettre le feu! Ah non, déconnez pas les mecs! Me brûlez pas! Avec tout ce que j'ai picolé, je vais exploser! Ta gueule, toi cramé comme village croate! Non, non, attends, Vaïd, j'ai pire comme torture! Tu veux pas brûler, Casanis? Alors tu vas m'obéir! Tout ce que vous voulez! Alors vas-y, crie, allez, pèse-les! Oh, plutôt crever! D'accord. Et puis Vaïd, il a voulu brûler le Marseillais. Je l'ai sauvé juste à temps, hein. J'ai refilé des fringues, je l'ai mis dans le train. Je suis pas un monstre non plus. Bon, comme je suis aussi taquin, je lui ai donné un survêt du PSG et j'ai appelé le club des supporters de l'OM pour qu'il vienne le chercher à son arrivée à la gare Saint-Charles. Bon, je vous laisse, j'ai reçu un texto de Zouzou. Oh, il est déprimé. Il envisage même de se suicider en se tirant une balle dans le fion. Je vais aller voir ce qui va pas. Je vous raconte tout ça demain. Allez, au revoir.